السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فأيها المسلمون، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى كل خير. أبخاف وغلوي الله سبحانه وتعالى et prier sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ajoute que c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nos personnes, le fait qu'il nous permette de nous réunir en cette soirée afin d'évoquer un sujet ayant la plus haute importance, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la science bénéfique et les œuvres profitables. Al-Mawdu' كما قد أعلن هو أسباب النجاة يوم القيامة. Le sujet, comme ça a été annoncé, est les causes du salut le jour de la résurrection. Quelles sont les provisions à avoir dans ce bas monde pour être sauvé le jour de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, le jour après lequel il n'y aura pas d'autre jour, le jour de la résurrection, le jour des comptes. C'est une grande question que chaque musulman se doit d'avoir présent à l'esprit. Cette question a préoccupé les plus grands de ce monde. Cette question a préoccupé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En se rappelant ce sujet, il y a la vie des cœurs. En se rappelant ce sujet, il y a la disparition de l'insouciance. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran l'a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna l'a mentionné, et on trouve dans les paroles de ceux qui nous ont précédés parmi les compagnons, parmi tabi'oun, atba'u tabi'in et les imams de l'islam, qui l'ont également mentionné. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثَ. Allah Azza wa Jal, sachez avant tout qu'il ne nous a pas, il n'a pas créé toute cette création en vain. Mais il nous a créé pour une grande sagesse. Et pour un but, il n'y a pas plus louable que celui-ci. Et le fait de croire qu'on est dans ce bas monde sans sagesse, c'est la croyance de ceux qui n'ont pas de part en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour une grande sagesse qui est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous a créé pour qu'on le connaisse. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah et celui qui a créé les sept cieux. Pareillement pour les terres, l'ordre se succède entre les deux. Tout cela afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'Allah embrasse toutes choses de par sa science. Donc Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on le connaisse. Il nous a créés pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Non pas comme le pensent ceux qui n'ont pas de part en islam. Allah Azza wa Jal les a blâmés. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Sourate Sad nous dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ et nous n'avons pas créé les cieux ni la terre وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا et ce qui se trouve entre les deux en vain. Allah est exempt de ça, de créer sans sagesse. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Donc cette croyance erronée les a poussés à ne pas se préparer pour la rencontre d'avec Allah. Parce que pour eux, on est dans ce bas monde, on vit, on meurt et il n'y a pas de suite. Et il n'y a pas de suite. Cette croyance erronée pousse le serviteur à sa perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant au croyant, lui, il sait qu'Allah Azza wa Jal fait avec sagesse. Et que tout ce qu'il a créé dans les cieux, dans les profondeurs des mers, sur la terre, c'est pour une grande sagesse. Et que nous, nous sommes là pour adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. C'est pour ça qu'il a fait les éloges de ses serviteurs, du fait qu'ils méditent sur la création. Et que cela les pousse à une bonne natija, à un bon résultat. Dans Sourate Al Imran, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ces versets, il y a en la création des cieux et de la terre, et de la succession ou de la diversité des nuits et des jours, des signes pour ceux qui réfléchissent, pour les gens doués d'intelligence. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Puis Allah nous mentionne de leurs actions, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque, étant debout, assis sur leur flanc, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Allah Azza wa Jal nous dit, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Voici la bonne croyance. Tu n'as pas créé tout cela en vain. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Prémunis-nous donc du châtiment de l'enfer. Le musulman sait qu'un jour il reviendra vers Allah. Et que dans ce bas monde, il est sur une terre de passage. Ça c'est la croyance des gens de la foi. Ça c'est la croyance des gens de la foi. Et voici les actions qui en découlent, adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Parmi les piliers de la foi, comme vous le savez tous, et ils sont nombreux de six, al-iman bil yawm al-akhir. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et qu'il lui a dit akhbirni anil iman, informez-moi au sujet de la foi, le prophète alayhi salatu wa salam lui a répondu al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayri wa sharri. La foi consiste à avoir foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et ici notre sujet, c'est ce qui est relatif au cinquième pilier de la foi au jour dernier. Parce qu'on ne restera pas éternellement dans ce bas monde. Il y a un jour, on retournera tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne reviendrez pas vers nous? Et que vous ne reviendrez pas vers nous? فتعالى الله الملك الحق. Allah est élevé au-dessus de cela. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de faire les choses sans sagesse. La ilaha illahu. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Rabbul Arsh, le Seigneur du trône, Al-Karim, noble. Et celui qui médite sur ces versets verra que ce sont des paroles qui seront adressées aux gens de l'enfer alors qu'ils seront en enfer. Wal-iyadu billah. Donc de vivre dans ce bas monde sans penser à notre retour vers Allah, ça c'est la perdition. C'est la cause du péché, du délaissement de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de la droiture. Ayahsabu l'insanu an yutraka suda. Dans Surat al-Qiyamah, Allah nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, l'homme pense-t-il qu'on le délaissera ainsi? Dans le tafsir, tu trouves Ay la yu'mar wa la yunha. C'est-à-dire, il vit dans ce bas monde sans recevoir d'ordre ni d'interdit. Et d'autres parmi les exégètes du Coran ont dit Ay la yardi' ilayna. C'est-à-dire qu'il vit dans ce bas monde sans jamais revenir vers Allah. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans le tafsir nous dit, et ces deux avis sont bons. Et ces deux avis sont bons, ou une parole semblable. Donc ce sujet a la plus haute importance. Et les conséquences sont des plus graves. Celui qui revient chez Allah Azza wa Jal sans avoir préparé ses provisions et sans s'être apprêté à répondre à cette question sera dans un grand danger. Car la fois au jour du jugement dernier, ou le jour du jugement dernier, c'est une vérité. Et c'est un jour terrible. Et c'est un jour où les gens seront ressuscités, nus, pieds nus, non circoncis, dépouillés de toute richesse. Il regardera à sa droite, il ne verra rien si ce n'est ce qu'il a avancé. Il regardera à sa gauche, il ne trouvera rien si ce n'est ce qu'il a avancé. Il n'y aura pas de chemin. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Une partie entrera au paradis. Qu'Allah nous joigne à eux. Et fariqun fil sa'ir. Une partie entrera dans la fournaise. Qu'Allah nous en préserve. Donc il y a ce retour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Toute âme goûtera à la mort. Et c'est le jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos comptes. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui donc qui aura échappé à l'enfer et entrera au paradis, voici celui qui récoltera l'énorme succès. Voici celui qui sera le grand gagnant. Après cette introduction, entrons dans notre sujet. أسباب النجاة يوم القيامة. Quelles sont les causes pour ne pas périr le jour de la résurrection? Quelles sont les causes pour réussir يوم القيامة? Voici la question qui a dérangé le cœur et les pensées des gens pieux avant nous. Uthman ibn Affan, ce noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Ahmad, marchait un jour. Et il croisa Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui lui a dit « Assalamu alaykum » et Uthman ne lui a pas répondu. Et cela au temps du califat de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Omar est parti trouver Abu Bakr et lui a dit « Ne vois-tu pas comment agit envers moi mon frère? J'ai croisé Uthman, je l'ai salué et il ne m'a pas répondu. » Alors tous deux sont allés voir Uthman et Abu Bakr lui a dit « Oh Uthman, ton frère te croise, te salue et tu ne lui réponds pas. » Il a dit, Wallah, ma sha'artu bih. Par Allah, je n'ai même pas remarqué cela. Je n'ai pas remarqué, je ne me suis pas rendu compte qu'il m'a salué. Puis Abu Bakr a dit, Sadaqa Uthman, faqad ashghalahu amrun azim. Abu Bakr a dit, Uthman a dit la vérité, sans aucun doute, et il a été préoccupé par une chose très grave. Puis Uthman lui a dit, certes. Et il lui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé sans que je ne le questionne sur asbab najati hadha al-amr. À quoi est-ce qu'il pensait? Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort sans que je ne le questionne sur les causes du salut de cette affaire. Puis Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu lui a dit, quant à moi, je l'ai interrogé sur cela. Alors Uthman lui a dit, bi abi anta wa ummi, je donnerai mon père et ma mère en rançon pour toi, ya Abu Bakr. Tu es plus en droit à cela. Informe-moi donc. Puis, Abu Bakr radiallahu anhu a raconté le hadith. Lorsqu'il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ. Assurément, moi je l'ai questionné sur les causes du salut. Et il m'a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu à Abu Bakr, مَنْ قَبِلَ مِنِّي. Écoutez bien. Celui qui accepte de moi الْكَلِمَةَ أَلَّتِ عَرَدْتُهَا عَلَىٰ عَمِّي فَرَدَّهَا. Celui qui acceptera de moi la parole à laquelle j'ai invité mon oncle et qu'il a refusé, c'est-à-dire la ilaha illallah, faraddaha alay, fahiya lahu najah. Celui qui accepte de moi la parole que j'ai proposée, à laquelle j'ai invité mon oncle, Abu Talib, celui qui accepte cette parole, celui qui prononce cette parole, celui qui a comme conviction cette parole et la prononce avec sa langue, fahiya lahu najah, elle sera pour lui un salut. Elle sera pour lui un salut. Cette qissa, cette histoire nous montre quoi? Que cette question-là, asbabun najat yawm al-qiyamah, était une question primordiale chez les compagnons. Et qu'elle les a préoccupés au plus haut point, à un point tel que ces trois-là, qui sont les meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, les meilleurs des hommes au monde, après les prophètes et messagers, ont eu cette discussion-là. Uthman est inscrit au paradis. Omar également et Abu Bakr également. Pourtant, ils ont peur dans cette question. Abu Bakr a questionné le prophète sallam. Uthman n'entend pas le salam de Abu Bakr tellement il est préoccupé par les causes du salut. Yawm al-Qiyam. Donc ici, on voit que les compagnons accordaient la plus grande place à cette question religieuse. S'il en est ainsi pour les meilleurs des hommes, ceux qui ont été témoins de la révélation et ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam dans sa mission, à plus forte raison, nous, on doit chercher les causes pour être sauvés du feu de l'enfer le jour du jugement dernier et ne pas être humiliés. La première cause, ikhwan al-kira, tawhidullah. رب العالمين وخالق الناس أجمعين. La première cause, ikhwan al-kiram, c'est l'unicité d'Allah, le Seigneur immense, le maître des mondes, le créateur de toutes choses. لا نجاة إلا بالتوحيد. Il n'y a pas de salut le jour de la rencontre avec Allah si ce n'est avec التوحيد. التوحيد أساس النجاة. أصلها أصها سببها الأول ومن فقده فقد النجاة. التوحيد c'est le socle, la base, la cause première du salut. Et celui qui rencontre Allah le jour dernier sans tawhid, il n'y aura pas de salut pour lui. Et la parole du tawhid, la ilaha illallah, C'est la clé du paradis. C'est la sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés. Celle pour laquelle il a envoyé les messagers et révélé les livres. Il nous dit dans son livre, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ibn Abbas nous dit, tout ordre qui est venu dans le Coran, nous invitant au tawhid, ou plutôt nous invitant à l'adoration d'Allah, est en réalité un ordre du tawhid. Donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient d'un culte sincère. Allah nous dit encore, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجُتَنِبُ الطَّاغُوتِ Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah, et éloignez-vous de tout ce qui est adorant en dehors de lui. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ Et nous n'avons envoyé avant toi de messager si ce n'est en lui révélant, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Pour cela, Allah Azza wa Jalla nous a créés. Pour cela, Allah a envoyé les messagers et les prophètes à leur peuple. Pour cela, il a révélé l'ensemble des livres. Pour cela, il a légiféré cette législation noble, pure et complète. Il ne suffit pas de dire « La ilaha illallah » pour être sauvé yom al-qiyama. Mais il faut comprendre cette parole. Et il faut avoir comme croyance le sens de cette parole. Et il faut adorer Allah en fonction de ce qui découle de cette parole. Donc, quel est le sens de « La ilaha illallah » La ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Allah nous dit en Coran, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez si ce n'est celui qui m'a créé. Ça c'est la ilaha illallah. Renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmer que le seul qui mérite d'être adoré est Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ça c'est le sens de la ilaha illallah. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Donc voici la cause première du salut. Wahb ibn Munabbi, un des pieux prédécesseurs, a été questionné. Alaysa la ilaha illallah miftah al-jannah. Miftah al-Jannah, n'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé du paradis? Il a répondu, bala, certes. Walakin ma min miftah, ma min miftahin illa walahu asnan. Mais il n'y a pas de clé si ce n'est avec des dents. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Ainsi, si tu arrives le jour de la résurrection avec une clé comprenant des dents, c'est-à-dire en ayant respecté la ilaha illallah, en ayant dit la ilaha illallah avec science, avec certitude, avec amour, en ayant agi en fonction de ce qui découle de la ilaha illallah. In ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Si tu viens avec les conditions de la ilaha illallah le jour dernier, on t'ouvrira. Fa illa lam yuftah lak. Dans le cas contraire, on ne t'ouvrira pas. Donc il faut venir avec la ilaha illallah, mais avec les conditions de la ilaha illallah. Avec la science, avec la certitude, avec la sincérité, avec la véracité, en acceptant cette parole, avec la soumission. Naam, il faut venir avec ces conditions. La ilaha illallah n'est pas une parole qu'on prononce dénuée de sens. Il faut comprendre cette parole et réunir ces conditions. Allah nous dit encore, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque injustice, ceux-là auront la sécurité. Et ceux-là sont les bien guidés. Ceux qui viennent avec la foi, avec le tawhid, et ne troublent pas leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire par le shirk, comme dans l'explication du prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Quelle sera leur récompense? La sécurité. Ils auront la sécurité dans ce bas monde, la sécurité dans leur tombe, et la sécurité le jour de la résurrection. Ils seront bien guidés dans ce bas monde, dans leur tombe, et le jour de la résurrection. Mu'ad ibn Jabal nous dit, Kuntu radif al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hima. Un jour j'étais en croupe derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Faqala liya Mu'ad. C'est alors qu'il me dit, ô Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. J'ai donc dit, Allah et son messager sont plus savants. Faqala li haqqullahi ala al-ibad. Il m'a donc dit le droit d'Allah sur ses serviteurs qu'il l'adore sans jamais rien lui associer, sans jamais commettre de shirk, sans jamais donner d'égal à Allah, sans jamais prendre le droit d'Allah pour l'attribuer à une créature d'Allah. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtiera jamais celui qui ne lui a jamais associé quoi que ce soit. Donc, pour être saint, pour être sauf le jour du jugement dernier, il faut s'éloigner du shirk et concrétiser at-tawhid en adorant Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère, en s'éloignant de toute forme de polythéisme. Ubadah ibn Samit radiallahu anhu nous dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. وأن محمدا عبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah seul, sans associé, que Muhammad est le serviteur et message d'Allah, que Isa est le serviteur et message d'Allah, et sa parole insufflée à Maryam, ou donnée à Maryam, et une âme émanant de lui, c'est-à-dire parmi les âmes qu'Allah a créées, et que Isa est la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah a créé Isa par une parole qui est kun. Non pas que Isa lui-même soit la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah, incréé. Isa kalimatullah ay kana bi kalimatillah kun. Il atteste également que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité. Celui qui vient avec cette bonne croyance, avec le tawhid et ce qui en découle, adkhalahu Allahul jannah, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Dans l'autre explication, selon ses œuvres. Donc on voit que la bonne croyance est ce qui amène le salut le jour de la rencontre d'avec Allah Azza wa Jalla. Ainsi on se doit d'étudier la bonne croyance, on se doit d'avoir cette bonne croyance, on se doit d'agir en fonction de cette bonne croyance. On se doit d'enseigner, de propager cette bonne croyance avant toute autre chose. Car sans la bonne croyance, il n'y a pas de salut. Yawm al-Qiyam. Celui qui arrive chez Allah avec une mauvaise croyance, Allah n'accepte pas de lui. Allah annule ses œuvres. Allah lui interdit l'entrée au paradis s'il ne vient pas avec at-tawhid. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Il ne pardonne pas à shirk. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Allah nous dit également, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé à toi, ô messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et messagers. Si tu commets le shirk, toutes tes œuvres deviendront vaines et tu seras du nombre des perdants. Ash-shirk, Allah ne le pardonne pas. Ash-shirk annule toutes les œuvres. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Man laqiya Allah yushriku bi shay'an dakhala an-nar. Celui qui rencontre Allah en lui associant quoi que ce soit entrera en enfer. Abdullah ibn Saoud nous dit, qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kalima وَقُلْتُ أُخْرَى. Puis il nous mentionne cette parole. Et il dit, وَأَنَا قُلْتْ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Et celui qui rencontre Allah sans jamais rien lui avoir associé, entrera au paradis. Le salut vient avec le tawhid. La perte, la perdition et l'humiliation vient avec le shirk et la mauvaise croyance. Celui donc qui rencontre Allah Azza wa Jal préservé du shirk obtiendra le salut. s'il s'est éloigné également des grands péchés et n'est pas resté constamment dans les péchés, il entrera au paradis directement. Par contre, s'il rencontre Allah avec des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, alors il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le punira à temps déterminé en enfer, puis il l'en sortira pour entrer au paradis éternellement. Donc soit il obtiendra le salut absolu, soit il obtiendra la part du salut. Soit il obtiendra le salut absolu, complet, total, soit il obtiendra sa part de salut. Imma najat al-mutlaq, imma mutlaq al-najat. Mais sahib al-tawhid, la yakhluda finna. Celui qui rencontre Allah avec al-tawhid, il a l'assurance absolue de ne jamais s'éterniser en enfer. Ça, c'est la hasana uzma, c'est la clé du paradis. Quant à ceux qui rencontreront Allah sans tawhid, écoutez ce que dit Allah à leur sujet. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن لله وإنا إليه راجعون نسأل الله العافية. Certes, celui qui commet le shirk, Allah lui a interdit l'entrée au paradis. Le paradis pour lui est haram. Il a perdu le salut sous toutes ses formes. Dans un autre verset, dans Sourate Fatir, والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Ainsi, celui qui rencontre Allah Azza wa Jal sans tawhid, il n'a pas de salut. La deuxième cause pour obtenir le salut yawm al-qiyamah, ittiba' sunnah, luzum sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, suivre la voie du prophète alayhi salatu wa salam, se cramponner à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, veiller à n'adorer qu'Allah, et cela qu'à la manière dont nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il nous faut étudier qui est le prophète alayhi salatu wassalam, quel est son nom, à quoi est-ce qu'il nous a appelé, où est-ce qu'il a vécu, quel était son message, son comportement, comment est-ce qu'il a adoré Allah. On doit étudier cela pour pouvoir le suivre. Par contre, celui qui ignore qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il pourra le suivre? Le prophète Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib al-Hashim al-Qurashi qudwatuna wa imamuna sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul muttaqin. C'est le messager d'Allah, c'est notre exemple. C'est le meilleur de la création d'Allah Azza wa Jal, Khalilur Rahman. Allah nous dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. C'est le parfait exemple. On doit le connaître. On doit le suivre. On doit questionner sur ses adorations, sur sa croyance, sur ses paroles, sur ses faits et gestes, afin de le prendre pour exemple. Allah nous dit également وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Il nous dit aussi, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Les exégètes du Coran ont dit, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. C'est-à-dire le Coran et la Sunna. Ainsi, tu comprends l'égarement total de la secte non musulmane de ce qu'on appelle Al-Qur'aniyoun. Ce sont des gens qui prétendent qu'ils sont musulmans et que leur islam, c'est que ce qu'il y a dans le Coran, et qu'ils jettent derrière leur dos la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah! Comment est-ce qu'un musulman pourrait prétendre être musulman en faisant scission avec la voix de celui qui nous a été envoyé pour enseigner l'islam et le Coran? Il est menteur dans cette prétention, celui qui dit qu'il est musulman, en prenant que ce qu'il y a dans le Coran, et en jetant derrière son dos la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il pourrait en être ainsi, alors que dans le Coran, Allah nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wassalam, et qu'il y a dans la sunna des choses qu'il n'y a pas dans le Coran de manière directe, comme la description de la salat et des horaires de salat, et comme l'interdiction de certaines choses qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran, et comme certains jugements qui n'ont pas été mentionnés dans la Sunna. L'islam, c'est le Coran et la Sunna. Ni la Sunna sans le Coran, ni le Coran sans la Sunna. Et celui qui dit qu'il suit le Coran, assurément il suivra la Sunna. Parce que dans le Coran, on nous invite, on nous ordonne à plusieurs reprises de suivre la Sunna. Plus encore, Allah menace dans le Coran celui qui s'éloigne de la Sunna. Celui qui s'éloigne de la Sunna. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre d'être touchés par les troubles ou par un châtiment douloureux. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Et celui qui fait scission d'avec le messager. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui fait scission d'avec la voix du messager, après que les preuves évidentes lui eût été exposées, et suit un autre chemin que le chemin des croyants, des compagnons, on l'abandonnera à ce qu'il a choisi. Sa demeure sera l'enfer, sa finalité sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc celui qui cherche le salut, il doit s'accrocher à la sunna après l'avoir étudié. Dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, il dit: wa'adana rasulullah maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun fa qulna ya rasulullah kanna maw'idatun wad'in fa usina qala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abd fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katheera فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté d'une exhortation telle qu'elle fit bouger les cœurs, couler les larmes. Nous lui dîmes: ô messager d'Allah, ceci ressemble à une exhortation d'adieu, un rappel de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc des recommandations. Il nous dit: je vous recommande la piété, la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire à vos dirigeants. Certes, celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna. C'est-à-dire, quel est le remède? Accrochez-vous donc à ma sunna. Ça, c'est le remède. Fa'alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafa'i al-rashidin. Ainsi qu'à la sunna des califs bien guidés. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Addu alayha bin nawajiz. Mordez-y à pleines dents avec vos mollets. Wa iyyakum. Et attention, éloignez-vous des innovations. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Car toute nouveauté est innovation, toute nouveauté religieuse, toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement. Wa kulla dalalatin finna. Donc on doit s'accrocher à la sunna. Et on doit s'éloigner de l'innovation et de ce qu'ont apporté les gens comme nouveauté dans la religion d'Allah Azza wa Jal, comme exagération, comme égarement, car l'islam est complet. Le prophète sallam n'est pas mort si ce n'est après qu'Allah Azza wa Jal ait complété cette religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Le jour de Arafah, durant le pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné ce verset aux compagnons. Il nous enseigne que l'islam est complet, qu'Allah a complété pour nous cette religion, accompli sur nous son bienfait et agréé comme religion l'islam. L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait: As-sunnatu ka safinati Nuh. La sunna est semblable à l'arche de Noé. Man rakibaha naja. Celui qui monte sera sauvé. وَمَنْ تَارَكَهَا غَرِقْ. Et celui qui la délaisse, la sunna, se noie. Comme ce fut le cas pour, entre ceux qui ont suivi Nuh et ceux qui ne l'ont pas suivi. Il n'y a pas de salut si ce n'est avec le tawhid et sunna. Et cela est le premier pilier de l'islam. الشَّهَادَةُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَبِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ بِالْرِسَالَةِ. C'est la cause première du salut. Et sans sunna, Allah n'accepte pas nos œuvres. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ay mardudun ala sahibi. Celui qui fait une action sans qu'elle soit en conformité avec notre ordre, c'est-à-dire avec l'islam, son action sera rejetée. Et Ibn Mas'ud disait, iqtisadun fi sunna khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Faire peu, mais en conformité avec la sunna, est meilleur que de faire beaucoup, mais en contradiction avec la sunna, c'est-à-dire dans l'innovation. La troisième cause du salut, ikhwan al-kiram, taqwa Allahi azza wa jal. Le fait de craindre Allah. Le fait d'obéir à Allah et son messager. Le fait de faire ce qu'Allah nous a commandé et de s'éloigner de sa désobéissance, et cela avec science. Et Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Celui qui, et quiconque obéit à Allah et à son messager, وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, et qui craint Allah et se prémunit de lui, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Voici ceux qui obtiendront la réussite. Ceux qui obtiendront la réussite. Donc pour obtenir la réussite et le salut au Yawm al-Qiyamah, il faut être taqwa. Il faut la piété. Dans un autre verset, Allah nous dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah Azza wa Jal nous mentionne dans le Coran que les awliya d'Allah, ceux qui sont proches et rapprochés, ceux qui sont rapprochés de lui et ses bien-aimés, ne seront pas sujets à la peur ni à la tristesse. Qui sont-ils? Allah nous les décrit ensuite. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui avaient la foi et la piété. Donc si tu veux obtenir le succès au Malqiyam, ne pas être attristé ni humilié, obtenir le salut, il te faut la piété. Il te faut la piété, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de sa désobéissance. Dans un autre verset, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Et le jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah. Tu verras leur visage assombri ou noir. أليس في جهنم, n'est-ce pas dans le feu, dans l'enfer, مثوى المتكبرين, la finalité des ou la demeure des orgueilleux. Puis on nous dit, وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Et Allah sauvera et Allah accordera le salut à ceux qui ont été pieux. Ainsi la piété est la troisième cause du salut. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى أَنْ يَجْعَلَنَا أَجْمَعِينَ مِنَ الْمُتَّقِينَ. La quatrième cause pour obtenir le salut yawm al-qiyamah, hifdhul lisan. Hifdhul lisan wa ma adraka ma khatar al-lisan. Le fait de préserver sa langue. Le fait de retenir sa langue de toute mauvaise part. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin. Allah Azza wa Jalla nous informe dans le Coran, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il ne prononce pas une parole sans qu'il ait un scribe prêt à l'inscrire. Tout ce qu'on dit, comme bien et comme mal, s'inscrit par les anges. Et Yom al-Qiyamah, on nous remène au feuillet, comprenant tout ce qu'on a fait dans ce bas-monde. Il n'y a pas une parole qu'on prononce sans qu'elle ne soit consignée. Sans qu'elle ne soit consignée. Uqba ibn Amir a questionné le prophète alayhi salatu wassalam. Qui a Rasulallah, man naja. Encore une fois un compagnon qui a peur de la comparution avec Allah yawm al-qiyamah et qui questionne sur les causes du salut. Ô messager d'Allah, comment obtenir le salut? Dans quoi se trouve le salut au messager d'Allah? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, amsik alayka lisanak. Il lui a dit, retiens ta langue. Wal yas'ak baytuk. Et que ta maison te suffise. Wabki ala khati'atik. et pleure pour tes fautes, pour tes péchés. Trois recommandations du prophète alayhi salatu wassalam pour obtenir le salut. La première, retiens ta langue. La deuxième, reste chez toi, particulièrement en temps de troubles et de fitna. La troisième, pleure pour tes fautes et tes péchés. Pleure pour tes fautes et tes péchés. Premièrement, retenir sa langue. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, ou bien de Amr ibn As, قال من صمت نجا. Celui qui observe le silence sera sauvé. الصمت أبلغ من السكوت. الصمت حفظ اللسان مع القدرة على الكلام. الصمت c'est plus fort que le simple fait de se taire. الصمت c'est retenir sa langue malgré la capacité à s'exprimer. Mais volontairement il retient sa langue. Il maîtrise sa langue. Il est maître de sa langue. Quand c'est du bien, il le dit. Quand c'est du mal, il se retient. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné une grande règle. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Cette affaire ne sort pas de trois cas. Le premier cas, c'est du bien, tu sais que c'est du bien. Dis-le. C'est des hasanat. Le deuxième cas, c'est du mal et tu sais que c'est du mal. Usmut, retiens ta langue. Empêche ta langue de s'exprimer. Parce que c'est du haram. Le troisième cas, umur al-mushtabihat. Ce sont des choses qui sont équivoques. D'un point de vue, tu te dirais, c'est du bien. D'un autre, tu te dis, c'est du mal. La règle, وَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَ لِدِينِ وَعَرْدِهِ. Celui qui s'abstient des choses équivoques aura préservé sa religion et son honneur. Donc tu retiens également ta langue dans ce cas-là. Tu retiens également ta langue dans ce cas-là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a longuement exposé la dangerosité de la langue. Il nous dit dans un hadith, wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan tahwi bihi fi an-nar ab'ad mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Dans l'autre hadith, yaktubu Allahu lahu sakhata ila yawm al-qiyamah. Et certes, la personne parle, elle dit une parole, sans y prêter attention, sans voir qu'elle est grave. À cause de cette parole, il va dans les profondeurs de l'enfer, 70 automnes. Dans l'autre hadith, plus il y a allé d'une durée plus éloignée que ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Dans l'autre hadith, Allah lui inscrit sa colère jusqu'au jour de la résurrection. À cause d'une parole. Il n'a pas fait attention, il n'a pas surveillé sa langue, il n'a pas pensé aux dégâts des mots, il a parlé selon ses passions, selon sa colère. À cause d'une seule de ces paroles-là, il est inscrit dans la colère d'Allah jusqu'à Yawm al-Qiyamah. À cause de cette simple parole, il va en enfer 70 automnes. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui ne veut pas tomber dans ce péché, il doit surveiller sa langue, il doit réfléchir avant de parler, il doit apprendre à se taire. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, pendant 20 ans, j'ai appris le silence. C'est-à-dire, c'est un entraînement pour retenir sa langue. Certains parmi les anciens, tu pouvais compter ce qu'ils disaient par jour. Tu pouvais compter ce qu'ils disaient par jour. Ils avaient considération. La considération est là. Ils avaient toujours présent à l'esprit la dangerosité de cette langue. Le prophète sallam nous dit chaque jour, ou chaque matin, les membres s'adressent à la langue et lui disent, crains Allah, nous sommes sous toi. Si tu observes la droiture, nous l'observerons. Et si tu t'égares, nous les égarerons. Chaque matin. Parce que les membres observent le chemin de la langue. La cinquième cause du salut, tadhakkur yawm al-qiyamah wal wuquf bayna yaday Allah. Le fait de se rappeler le jour de la résurrection, le jour où nous allons comparaître devant Allah Azza wa Jal, le fait de se rappeler la mort et ce qu'il y aura après la mort. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire pour le jour de la résurrection. Mais elle est tellement proche qu'on l'a appelée demain, comme a expliqué Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Et craignez Allah, et certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. La yastawi ashabul jannati wa ashabul nar. Ne sont pas égaux les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ashabul jannati humul fa'izun. Les gens du paradis, ce sont eux qui seront les grands gagnants. Ce sont eux qui seront les grands gagnants. Donc le fait de penser au jour dernier, le fait de se préparer pour la rencontre avec Allah, c'est une grande cause du salut. Ça va te pousser au repentir, ça va te pousser au regret, ça va te pousser à préserver les obligations, à délaisser les interdictions. Ainsi tu obtiendras le salut, yawm al-qiyamah. Ça va te pousser à t'excuser, parce que tu auras peur du jour des comptes. Tu auras peur de trouver ton frère devant toi qui va prendre tes hasanat. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dédommager dans ce bas monde avant qu'il soit trop tard. Si tu as fait du mal à quelqu'un, demande pardon dans ce bas monde. Si tu as pris une chose, rends-lui dans ce bas monde avant que tu ne puisses plus le faire. Comment ça se passera yawm al-qiyamah? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ceux que tu as opprimés vont venir et ils vont prendre tes hasanat pour se rembourser. Et s'il n'a plus de hasanat, que vont-ils faire? Ils vont se décharger de leurs péchés sur lui, jusqu'à ce qu'ils tombent en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, se rappeler ce jour-là a le plus grand bénéfice quant à la droiture de l'homme dans ce bas monde et le salut dans l'au-delà. وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُدِّي ثُمَّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُدِّي. On doit se rappeler le jour dernier. On doit se rappeler que c'est le jour des comptes. On doit savoir qu'Allah a tout su de nous. Et que même le contenu des cœurs sera dévoilé. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Le contenu même des cœurs sera dévoilé. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allah a tout enregistré. Eux, ils ont oublié. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Arrêtez-les. Ils seront questionnés. Yom al-Qiyamah, c'est le jour des comptes, c'est le jour du jugement dernier, c'est également le jour de la grande perte. Yom al-Tarabu. On doit se rappeler ce jour, on ne doit pas en être distrait. Observez que les gens qui recevront leur livre de la main droite, la première chose qu'ils vont faire, retourner à leurs proches et leur dire « Ha'u mukra'u kitabiyya, inni zalamtu anni mulaqin hisabiyya ». Les gens du paradis, les gens de la droite, les gens qui vont recevoir leur livre de la main droite vont se précipiter vers leurs proches et leur dire « Regardez, lisez mon livre. J'étais sûr que j'allais recevoir mes comptes, ma rétribution. » C'est-à-dire cette croyance au jour dernier, cette préparation pour la rencontre avec Allah, c'est la cause de leur salut. C'est la cause de leur salut. Ainsi, ils reçoivent leur livre de la main droite. On doit étudier les étapes du jour dernier en détail. On doit se rappeler ces moments et souvent avoir présent à l'esprit que ce bas monde, c'est un couloir, c'est un lieu de passage, c'est une terre fertile, on sème et on récolte le jour de la résurrection. On doit savoir qu'on va être ressuscité. C'est le ba'th. Ensuite, on sera rassemblés sur une seule et même place. C'est un nushur. On sera nus, pieds nus, non circoncis, le soleil sera rabaissé au-dessus des têtes. Les gens vont suer, certains hauteur des chevilles, d'autres des genoux, d'autres des hanches, d'autres des épaules, d'autres du cou, d'autres vont être noyés dans leur sueur, proportionnellement au péché qu'ils faisaient dans ce bas-monde. Et là, il y aura une ombre, l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et sous cette ombre, il y aura des catégories de personnes qui obtiendront le salut. Parmi ces gens-là, le gouverneur qui était juste. Parmi ces gens-là, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Parmi ces gens-là, un homme chaste qu'une femme belle et de haute noblesse appelle au péché et lui dit « J'ai peur d'Allah ». Parmi ces gens-là, celui qui fait une sadaqa avec sa main d'une manière tellement sincère que l'autre main ne sait même pas ce qu'a donné sa main en aumône. Parmi ces gens-là, deux personnes qui se sont rencontrées pour Allah, se sont aimées en lui et se sont séparées pour lui. Ils ont en commun « Muraqabatullah ». Ce sont des gens qui ont eu peur d'Allah. Ce sont des gens qui sentaient la surveillance d'Allah sur eux. Ce sont des gens, parmi eux il y a également celui qui prêtait de l'argent aux gens. Et lorsqu'il les voyait dans la difficulté, ou non, il repoussait les chances. Mon frère, je m'excuse, je te dois 100 euros, mais je suis dans la difficulté ce mois-ci. Il ne sait pas grave, akhi. Qu'Allah te facilite, qu'Allah t'enrichisse. Tu me donnes le mois prochain, Inch'Allah. Ou bien, mon frère, je t'efface 50 euros, tu me dois plus que 50 euros. Ou bien, je t'efface les 100 euros. Le prophète sallam nous dit, celui qui repousse l'échéance de l'endetté, ou lui efface sa dette, avallahu Allahu fi dhilli. Allah le mettra sous son ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, si ce n'est celle-là. Si ce n'est celle-là. Et il y a encore d'autres catégories qui ont été mentionnées dans des hadiths. Donc on doit étudier ce qui se passera ce jour-là. Le jugement, le bassin, les comptes, la remise des feuillets, la traversée du sirat, la porte du paradis, Al-Qantara, et ainsi de suite. On doit étudier les différentes étapes du jour dernier. C'est une des plus grandes causes pour obtenir le salut, Yawm Al-Qiyam. À cet effet, Al-Hassan Al-Basri a rencontré un homme, ou plutôt Al-Fudayl ibn Iyad. Et il lui a dit, Kam amdayta min umrik? Quel âge as-tu? Il lui a dit, 60 sana, 60 ans. Il lui a dit, Ama alimta annaka ala tariq wa qad awshakta an tablugha nihayata? Ne sais-tu pas qu'en réalité tu es sur un chemin et il s'en faut de peu pour que tu atteignes sa fin? C'est-à-dire que tu vas bientôt mourir. Alors l'homme a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. Il lui a dit, wa tafqahu ma'ana? Il lui a dit, cette parole-là, tu la comprends? Il lui a dit, wa ma ma'ana? Il lui a dit, c'est quoi son sens? Il lui a dit, inna lillah, ana lillahi abd. C'est Allah que nous appartenons, c'est-à-dire nous sommes les servants d'Allah, les serviteurs d'Allah. Wa inna ilayhi raji'un? C'est-à-dire que viendra un jour où tu vas revenir vers lui. Et sache que si tu reviendras vers Allah, et il en est ainsi, sache qu'Allah va t'interroger. Sache qu'Allah va t'interroger. Donc prépare dès maintenant les bonnes réponses. Il lui a dit, Man Nadja, comment m'en sortir? 60 ans dans les péchés, et comment m'en sortir? Il lui a dit, Malhila, comment m'en sortir? Il lui a dit, Ahsin, fima baqi, yughfar lak ma madha. Allahu Akbar. Et il lui a dit, comporte-toi bien pour le reste de ce qu'il te reste, pour ce qu'il te reste à vivre. Allah te pardonnera ce qui est passé. Subhanallah. Repends-toi pour le passé. Et observe la droiture pour ce qu'il te reste à vivre. Allah Azza wa Jal te pardonnera tout et tu réussiras. Par contre, ne reste pas dans le mal et le péché. Sinon Allah va te punir pour le passé et pour ce qu'il te reste à vivre. Ô combien nous avons besoin de nous rappeler la mort et les différentes étapes de l'au-delà. La sixième cause du salut, kathratu du'a, wal-luju'u ila Allah azza wa jalla, c'est de faire beaucoup de du'a. Parce qu'il n'y a pas de salut si ce n'est entre les mains d'Allah. Il n'y a pas de réussite si ce n'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc on doit demander à Allah azza wa jalla. Et lorsque l'Abbas, oncle du prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Ya Rasulallah, allimni du'a'an, enseigne-moi une du'a, il lui a dit, Salillah al-afiya, demande à Allah le salut. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, ajoute-moi. Et il lui a dit, Salillah al-afiya. Ya Rasulallah, ajoute-moi. Et il lui a dit, Ya Abbas, Amma Rasulillah, Salillah al-afiya. Trois fois il lui a demandé, trois fois il lui a dit, demande à Allah le salut. Donc on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala parce que personne n'obtiendra le salut par sa force, par son intelligence. Ne vois-tu pas qu'Allah azza wa jalla nous dit « Wa laula fadlullahi wa rahmatu » Nous c'était grâce à Allah et sa miséricorde. « La taba'tumu shaytana illa qalila » Tout le monde aurait suivi le diable si ce n'est une minorité parmi eux. Ne vois-tu pas qu'Allah nous dit dans le Coran « Wa laula fadlullahi wa rahmatu »« Ma zaka minkum min ahad » Nous c'était grâce à Allah et sa miséricorde, personne parmi vous aurait obtenu la pureté. Walakin Allah yuzakki man yasha, mais c'est plutôt Allah qui purifie qui il veut. Et dans l'autre verset, Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman, mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi, wa zayyanahu fi qulubikum, et l'a embelli dans vos cœurs. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, et il vous a fait détester la mécréance, la perversion et al-isyan. Ulaika humur rashidun, voici les gens de la droiture. Fadlan min Allah wa ni'ma, une grâce de la part d'Allah et un bienfait. Wallahu alimun hakim, et Allah est savant et sage. Et parmi les invocations qu'on trouve dans le Coran, wala tukhzini yawma yub'athun, et ne m'humilie pas le jour de la résurrection. Donc ad-du'a, ad-du'a. La septième cause pour obtenir le salut yawm al-qiyamah, kathratul istighfar. Beaucoup demander pardon à Allah pour nos péchés. Parce que les fautes, les péchés sont un fardeau sur le dos du serviteur qui le plonge en enfer si Allah ne le préserve pas. Donc plus la personne demande pardon à Allah Azza wa Jal, plus elle est proche du salut le jour du jugement dernier. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, et Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux. Puis il nous dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Certains parmi les savants disaient, nous avions deux portes ouvertes vers le salut. Il y en a une qui a été fermée, il nous en reste une. Là, les deux portes, c'est la présence du prophète alayhi salatu wassalam dans la communauté, et la deuxième, c'est l'istighfar. La première a été fermée. Il nous reste quoi? L'istighfar. L'istighfar, c'est le fait de demander à Allah qu'il couvre tes fautes, qu'il te les pardonne, te les efface, et te prémunisse des effets néfastes du péché. Parce que le péché, il détruit la personne. Il noircit le visage, assombrit le cœur, affaiblit le corps, diminue sa subsistance. Il amène la solitude entre le serviteur et lui-même. Il amène les problèmes dans sa vie. Il l'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Il lui amène des soucis et tristesses, et encore beaucoup d'effets. Revenons au Coran et à la Sunnah, et lisez par la suite le livre d'Ibn al-Qayyim al-Da'wa al-Dawa, dans lequel, dans de nombreuses pages, il nous mentionne les effets des péchés. Dans le hadith de Anas ibn Malik, le hadith Qudusi, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a dit, Yabn Adam, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Ô fils de Adam, tant que tu m'invoqueras et tant que tu espéreras en moi, je te pardonnerai quels que soient tes péchés sans y prêter attention. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tant que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, Allah te pardonne. Dans le hadith, أذنب عبد فقال ربي اغفر لي فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ثم أذنب فقال ربي اغفر لي قال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ثم أذنب فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فَلْيَعْمَلْ عَبْدِي مَا شَاءَ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ, أي ما دام على هذه الحالة ما دام تائبا مستغفرا منيبا غفرت له, ليس دعوة إلى الذنب. Et dans le hadith, on trouve que le serviteur a fait un péché, puis il a dit au Seigneur, pardonne-moi. Allah dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés, mais qui châtiait aussi pour les péchés. Puis le serviteur refait un péché, Allah redit la même chose. Puis il refait un péché, Allah redit la même chose et dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui prenait, qui saisissait pour les péchés, mais qui pardonnait aussi les péchés. Je lui ai pardonné qu'il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire, tant qu'il a peur de moi, se repent, fait l'effort, je lui pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire des péchés, non. Ça veut dire qu'on doit faire beaucoup d'istighfar et qu'on doit faire attention. Et que sans l'istighfar, c'est mada, le serviteur périt. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète a dit, Touba liman wajada fi sahifati yawm al-qiyama kathrat istighfar. Bonne nouvelle à celui qui trouvera le jour de la résurrection beaucoup de demandes de pardon. Ainsi, le serviteur sait qu'il a beaucoup de péchés. Il doit se repentir, il doit demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et celui qui se repent, Allah Azza wa Jal lui efface tout. Il ne doit pas dire j'ai trop de péchés ou c'est trop grand. Non, il n'y a pas trop grand chez Allah pour qu'il pardonne. Il n'y a pas trop de péchés pour qu'Allah pardonne. Allah Azza wa Jal, c'est le Ghafour, le Ghaffar, c'est Tawwab, c'est le Rahim. Allah est le grand accueillant au repentir. C'est celui qui met dans les cœurs des serviteurs l'envie de se repentir, qui les guide vers le repentir, vers le, c'est lui qui leur fait détester le péché. Puis il accepte cela d'eux. Puis il accepte cela d'eux. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dieu, vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, l'accueillant au repentir. Ou plutôt, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. La neuvième cause pour obtenir le salut, talabul ilmi shar'i, c'est le fait d'étudier la science religieuse, la science du Qur'an et la sunna, inda ahli sunnati wal jama'a, auprès des gens de la sunna. Parce que celui qui ne connaît pas, comment est-ce qu'il va emprunter le chemin du salut? Et comment est-ce qu'il va s'éloigner du chemin de la perdition? Donc on doit apprendre la science, parce que la science c'est une lumière. وَكَذَلِكَ أُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme émanant de nous. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi, mais nous t'avons assigné cette lumière ou une lumière par laquelle nous guidons nous, qui nous voulons parmi nos serviteurs. La science est lumière. Avec cette science, Allah Azza wa Jal guide ses serviteurs. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. La dixième cause, مجالسة الصالحين. Le fait de prendre de bonnes fréquentations. Le fait de fréquenter les gens bien. Parce que les mauvaises fréquentations amènent au péché. Les mauvaises fréquentations engrènent vers la désobéissance d'Allah Azza wa Jal et ont une mauvaise influence sur le serviteur. Ne vois-tu pas yawm al-qiyam, hein? Comment des gens vont regretter ces mauvaises fréquentations? Allah Azza wa Jal nous dit وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Le jour où l'injuste se mordra les doigts, subhanallah, il se mordra les mains, tellement il regrettera ses mauvaises fréquentations. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. J'aurais tant aimé avoir suivi le chemin du messager. يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Malheur à moi, j'aurais tant aimé ne pas avoir pris un tel en ami proche. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il a pris des mauvaises fréquentations, il s'en mord les mains, yawm al-qiyama. Il regrette. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ. Il m'a certes éloigné du rappel. بَعْدَ إِجْجَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانِ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Donc on doit s'éloigner des mauvaises fréquentations pour ne pas se retrouver dans la même situation que ses serviteurs. Neuvièmement, الحذر من العدو الخفي العدو الأكبر الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Dans l'autre verse, ماذا إنه لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. الشيطان c'est notre ennemi. On ne doit pas le prendre en allié, on ne doit pas accepter sa waswasa, ses insufflations. On doit s'éloigner du shaitan et on doit apprendre à le connaître pour se prémunir de ses stratèges. Et il n'y a pas un qui a plus d'expérience que shaitan. De l'époque de Adam jusqu'à la nôtre, il a étudié Ibn Adam pour savoir comment l'égarer. Donc on doit s'en prémunir, on doit chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il y a un excellent livre après le Coran et la Sunna sur ce sujet-là, Irathatul Lahfan d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Il y a encore beaucoup de, d'autres causes. On va finir sur certains points parce qu'il me semble que le temps à partir s'est écoulé. Il y a husn al-khuluq. Une des causes pour être sauvé yawm al-qiyamah, il y a le fait d'avoir un bon comportement. Le fait d'avoir un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, les compagnons nous disent la première chose qu'on a entendue de lui, ayyuhan nas, afsus salam, répandez le salam, wa at'imu at'am, et nourrissez les gens, wa sallu bil layli wan nas niyam, et priez dans la nuit alors que les gens dorment, tadkhulul jannata bi salam, vous entrerez au paradis en sécurité. Vous entrerez au paradis en sécurité. Parmi les causes, zikrullah, le fait de beaucoup mentionner Allah Azza wa Jal, c'est un rempart contre Shaitan dans ce bas monde et contre l'enfer dans l'au-delà. Mu'ad ibn Jabal nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le fils de Adam ne fait pas une action qui le sauve plus du châtiment dans l'au-delà que le rappel d'Allah. Que le rappel d'Allah. Et pour finir, al-khawfu min Allah. Le fait d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, wa izzat, qala Allahu azza wa jal, wa izzati wa jalali, la ajma'u li'abdi bayna khawfayni wa la amnayn, fa in aminani fi dunya, akhaftuhu yawma al-qiyya, yawma yakhafu al-nas, أو يأمن يخاف الناس وإن خافني في الدنيا أمنت يوما يخاف الناس. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, Allah dit, par ma puissance, وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. Je n'unirai jamais sur mon serviteur entre deux peurs ni de sécurité. فإن خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة. S'il a peur de moi dans ce bas monde, je lui accorderai la sécurité le jour de la résurrection. Wa in aminani fid dunya akhaftu yawm al-qiyamah. Et s'il se sent à l'abri dans ce bas monde, alors je l'effraierai le jour de la résurrection. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yunajjiyana ajma'in yawm al-qiyamah wa yuwaffiqana wa iyyakum li kulli khayr. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Et je n'oublie pas, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, de remercier ceux qui ont été la cause de cette assise. جزاكم الله خيرا. Imam, Ali abqa daqiqa, Ali baqiya daqiqa. Après l'adhan, je mentionnerai un hadith, incha'Allah ta'ala. Un magnifique hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, en relation directe avec notre sujet. C'est le hadith de l'Bitaqa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'on amènera un homme de la communauté le jour de la résurrection. Et on lui déploiera 99 feuillets, chacun de ces feuillets à portée de vue. C'est-à-dire des feuillets remplis d'actions, remplis de péchés. Un seul de ces feuillets remplira l'horizon. On lui exposera cela et on lui dira, est-ce que tu renies une chose mentionnée ici? Il aura peur, il dira non au Seigneur. On lui dira, est-ce que les scribes t'ont opprimé dans quoi que ce soit? Il dira, non au Seigneur, et sera pris de peur. Puis on lui dira, est-ce que t'as une hasana? Parce qu'il aura la pesée des bonnes et des mauvaises actions. Il aura peur, il dira non. Alors on mettra ces 99 feuillets sur un plateau de la balance. Et le plateau des péchés s'alourdira et penchera. Fa fi riwayati Ahmad rahimahullah fa yub'athu bihi ila an-nar. Alors on l'enverra vers l'enfer. Subhanallah. On l'enverra vers l'enfer. قال فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن. Il y a eu la pesée, les 99 feuillets de péché ont été alourdis, alors on ordonne de l'envoyer vers l'enfer. Alors qu'on le prend et qu'on l'emmène vers l'enfer, c'est alors qu'on s'écrie, et qu'on entend crier ou à voix élevée auprès du tout miséricordieux. Sa'ihun yasih min indi ar-Rahman. Yaqul la ta'jalu, la ta'jalu. Pour dire, ne vous empressez pas, ne vous empressez pas. فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ. Subhanallah. On dira, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas de l'emmener vers l'enfer. Il lui reste quelque chose. C'est-à-dire pour la peser. Il lui reste quelque chose. فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et on apportera une carte sur laquelle sera inscrite لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. فَتُوضَعُ مَعَرْمُ رجل في كفة. Il y a les 99 sur un plateau de la balance. On va prendre cette carte sur laquelle est écrit La ilaha illallah. Et on va prendre cet homme, ce serviteur, et les deux on les mettra sur la balance. Cet homme-là, ainsi que cette carte avec la parole du tawhid dessus. Hatta yamila bihi al-mizan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et il fera contrepoids. C'est-à-dire, cet homme-là, et la bitaqa à la carte sur laquelle sera écrit La ilaha illallah, sera plus lourd que ces 99 feuillets remplis de péché. Dans l'autre version, fatashatil bitaqa, wa ta'amada fatashatil sijillat, wa taqulatil bitaqa, wa la yathkulu ma'asmillahi shay. هذا والحمد لله رب العالمين.